Rick, wow. La semaine passée, on a parlé là, des contraintes à l'emploi. Oui. On avait parlé du manque d'expérience et aussi du manque d'emploi dans la région. Exactement. Donc, ça, ce sont des réalités qui font face justement tous les chercheurs d'emploi qui sont ici dans notre région du beau comté de Simcoe. Donc, effectivement, ils font face à toutes sortes d'obstacles qu'on va continuer à parler aujourd'hui. Mais oui, entre autres, ce qu'on a déjà parlé la semaine passée, oui. On fait ça en deux parties. Là, on est rendu à la deuxième partie. Ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être mobile, la voiture. Parce qu'on ne reste pas à Toronto, à Barrie, Montréal ou Québec, où on est desservi là, par un système de transport en commun. On prendra pas là, le taxi non plus, payer 60$ pour aller travailler, c'est pas rentable. Non, c'est clair, exactement. Alors, c'est difficile à ce moment-là. Oui, c'est très difficile. Payer le taxi, justement, dépenser un 60$ pour aller chercher quoi, 100$ de paye pour une journée, c'est vraiment pas l'idéal, évidemment. Donc ça, c'est un très grand obstacle effectivement dans le comté. Là, on parle à partir de, il y a beaucoup de villes au fait lorsque le système de transport n'est pas aussi vraiment adapté pour les chercheurs d'emploi. Donc des fois, s'ils doivent travailler très tard la nuit, ou bien qu'ils doivent travailler très tôt le matin, ça devient une des choses qui est très difficile. Donc, ils doivent avoir une voiture, d'où beaucoup d'offres d'emploi, au fait, vont vraiment demander aux chercheurs d'emploi d'avoir une voiture, très important, surtout. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas de voiture, ils restent à la recherche d'emploi chez eux. Qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? C'est sûr qu'on essaie justement de présenter plusieurs solutions différentes aux chercheurs d'emploi. Donc, ne restez pas chez vous, s'il vous plaît. Sortez, allez continuer à chercher de l'emploi. Parce que les centres d'emploi, comme encore le centre d'emploi de la Clé, nous sommes capables, effectivement, si vous êtes éligible, à vous donner un certain nombre de fonds, surtout pour ceux qui commencent sur le marché du travail, qui n'ont pas forcément les fonds pour payer un pass d'autobus ou pour avoir le transport idéal au fait pour eux. Donc des fois les centres d'emploi, quand vous êtes éligible justement, ils peuvent vous financer, ils peuvent vous donner un certain fonds pour une certaine période, oui, pour vous aider. Aussi, ce qui va peut-être aider à l'automne, à partir du mois d'août, il va y avoir un système de transport en commun de village en village dans le comté de Simcoe, alors à un faible coût, peut-être que les gens, ça va les aider peut-être à aller travailler dans une autre ville, parce que là, on mentionnait, là, tu m'avais envoyé des statistiques, puis on disait que les gens recherchaient à 85%, c'est quasiment 9 personnes sur 10, là, un emploi dans sa région, parce qu'on veut pas s'expatrier à une heure ou deux, là. Ça commence à être loin un peu, on va être proche de chez nous, et parce que avec la vie familiale, on a besoin d'avoir des heures de qualité en famille. Exactement, malgré la différence sur la paie, la différence d'emploi ou peut-être les bénéfices qu'on peut avoir à l'extérieur du comté, parce que évidemment quand on va à Toronto, des fois on peut regarder certaines offres d'emploi qui sont un peu plus alléchantes comparé à ceux qu'on peut trouver ici. Ça peut être le même poste, mais des fois il y a une différence sur le salaire parce que c'est dans la ville de Toronto et tout ce qui va avec. Donc évidemment, oui, le sondage qui avait été fait, ça nous démontrait quand même que oui, un bon nombre, donc un gros pourcentage de rechercheurs d'emploi veulent rester dans le comté. Ils ne veulent pas sortir, ils veulent rester là où ils sont chez eux. C'est pour ça que tu remarqueras que beaucoup de chercheurs d'emploi, évidemment, ils vont d'abord chercher localement. Surtout quand on parle d'un problème de transport. Ils vont chercher localement, proche, pas trop loin, à quelques kilomètres de chez eux, et après rechercher dans d'autres villes. Comme Penetang est très collé à Midland, donc des fois des gens peuvent commencer à chercher Midland, Penetang, Tiny, Elmvale, tous les alentours, et même commencer à aller jusqu'à Barrie à cause du transport maintenant qui va commencer le 6 août en passant. C'est dans 2 semaines. Oui, c'est dans très bientôt. Puis moi, je pensais à ça. Quand on reste ici et on voyage, mettons, on fait une heure et demie, on va travailler à Toronto, même si le salaire est plus élevé, des fois, on est mieux de prendre un travail ici même à 3, 4, même peut-être 5$ de moins de l'heure, parce que quand on compte ça, la voiture, l'essence, les assurances, on est probablement gagnant là-dessus. Vrai. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à considérer. C'est toujours une bonne question de savoir. Ça serait très intéressant de demander au fait à tous ces employés qui descendent à Toronto. Il n'y a aucun doute. La 400 est toujours plein en quittant le comté de Simcoe, en allant vers Toronto. C'est toujours plein. Ça serait une très bonne question pour ces gens, savoir qu'est-ce qui continue à vous motiver à aller. Tu sais que des fois, des gens qui sont sortis de Toronto à cause de l'immobilier et qui sont aujourd'hui maintenant dans le comté de Simcoe, mais ils ont peut-être gardé leur job à cause de l'ancienneté, beaucoup d'avantages qu'ils ne peuvent pas forcément perdre. Donc, des fois, ça peut être une autre motivation qui va pousser les gens à rester quand même. Mais si on parle des nouveaux chercheurs d'emploi qui devraient faire cette comparaison, ça serait vraiment mieux, probablement, de chercher ici dans le comté lorsque tu peux bâtir effectivement ton expérience de travail, tu peux rester ton ancienneté et tout ce qui va avec. Même quand on cherche dans le comté, on mentionne que c'est une personne sur quatre qui trouve un emploi entre 1 et 3 mois. C'est seulement 25%. C'est quand même pas beaucoup de gens. Non, c'est quand même pas beaucoup de gens, effectivement. C'est à cause de tous les obstacles qu'on essaie de parler. Il y a une raison pour laquelle ces gens ne sont pas capables de trouver de l'emploi. C'est un très, très, très petit pourcentage. Encore, ils ont des obstacles qu'on essaie de briser et qu'on essaie de surmonter ensemble, effectivement. Donc, il faut essayer de voir, justement, cette capsule que nous faisons, ces présentations que nous faisons, c'est pour encourager, justement, les chercheurs d'emploi à utiliser les solutions que nous avons. Et évidemment, à partir du moment qu'ils utilisent les solutions que nous avons, je pense que ces données pourraient finalement changer si on referait ce sondage. Ce 25%-là, c'est peut-être aussi à cause d'une formation qui est inadaptée ou non reconnue. Là, c'est pas seulement là, des gens qui viennent de l'extérieur du pays, ça peut être d'autres provinces. Là, si je regarde, bon, je vais prendre mon exemple, faire de la radio, tu vois, une école de radio, c'est pas sorcier, là, ça se fait un peu partout comme ça. Mm-hmm. Mais si jamais tu es infirmier, médecin ou avocat, il y a peut-être des choses qui sont différentes d'une province à une autre et c'est peut-être là qu'il y a une lacune. Il faut aller peut-être rechercher peut-être quelque chose de plus oui. à l'école pour pouvoir enfin travailler là, dans la province en question. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, à part être mobile, qui était notre troisième point, évidemment. Donc, le quatrième point, c'est la formation inadaptée. On parle d'immigration. On parle de... c'est très important de signaler qu'est-ce que je veux dire par immigration. On parle, comme on parlait un peu plus tôt, c'est autant les gens qui viennent d'une autre province que les gens qui viennent d'un autre pays. Combien de cas avons-nous vu des, admettons, chauffeurs de taxi, par exemple, dans la grande région de Toronto ou peut-être ici aussi, ou dans toutes les provinces ou les villes par lesquelles nous passons, des grandes villes. Lorsque nous avons des chauffeurs de taxi et que tu vas poser la question, ben, qu'est-ce que vous avez comme formation? Ils vont dire, ben, moi, j'étais docteur dans mon pays d'origine. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est aberrant de voir qu'on a des médecins qui oui. pourraient travailler, qui pourraient désengorger le système de santé et qui oui. font du taxi. Oui, exactement. Donc, c'est très aberrant. C'est là qu'il faut se poser la question. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'une personne qui a un diplôme, qui a fini ses études totalement, qui a déjà commencé sa carrière dans un autre pays et arriverait justement dans le pays du Canada, perdrait automatiquement tout ce qu'il a étudié dans le fond, dans le passé? Mais quand on regarde ça, un corps humain au Zimbabwe, en Australie, au Canada, ça reste un corps humain. Je vois là ce que tu t'en viens. Évidemment, le corps humain est un corps humain. Alors pourquoi pas reconnaître ou peut-être seulement demander à aller chercher peut-être des solutions. Oui, des correspondances, exactement. Correspondances. J'aime le fait que maintenant, il y a un meilleur processus au point de vue de l'immigration. Donc, il y a plein d'informations qui sont maintenant circulées par le gouvernement de l'Ontario, de ce que je sais. Donc, il y a plein d'informations qui sont circulées, même déjà à ceux qui prévoient de venir au Canada. Déjà, comment se préparer pour pouvoir faciliter, au fait, sa transition vers le marché du travail. Quand vous arrivez ici, voulez-vous retourner aux études ou vous voulez embarquer directement sur le marché du travail? Peut-être que ces gens-là n'ont plus le temps. Ils ont déjà une famille, ils ont des responsabilités. Ils n'ont plus ce temps-là. Maintenant, il y a des processus, il y a des démarches maintenant à faire qui sont peut-être un peu plus faciles pour que ceux qui ont de l'expérience à l'extérieur l'extérieur du comté ou à l'extérieur du Canada, à l'extérieur de la province de l'Ontario, quand ils arrivent ici, il y a maintenant des processus qui peuvent leur permettre de continuer à gagner de l'expérience de travail ici sur le terrain canadien, mais en étant payés en même temps. Donc ça leur permet tout simplement de continuer à faire ce qu'ils aiment. Mais est-ce qu'il faut être conscient avant de partir soit d'une province au Canada ou d'un autre pays qu'il y a des grandes chances qu'on puisse pas travailler dans le domaine qu'on aime, qu'on travaille présentement? Exactement. Il faut être très, très, très conscient de cela. Il faut faire ses recherches, il faut faire ses devoirs, c'est très important. Il y a des sites Internet maintenant, en allant sur Internet, en faisant des recherches, on peut trouver quels diplômes sont reconnus. Quand on quitte, par exemple, le Québec à l'Ontario, qui est le cas de beaucoup de francophones qui ont déménagé le Québec, mais qui sont venus en Ontario, mais dans leur diplôme, par exemple, n'ont pas été reconnus, comme des éducatrices à la petite enfance, par exemple, ou toutes sortes de diplômes qu'ils ont déjà reçus dans le passé, mais ils arrivent ici, ils ne sont pas reconnus. Il faut faire ses devoirs. Il faut faire ses devoirs. Il ne faut pas juste déménager dans une province en pensant que ça devrait être la même chose. Non. Une province différente, quand on arrive dans une nouvelle province, évidemment, les choses vont être totalement, probablement différentes. Donc, faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Et aussi, ce qui peut arrêter les chercheurs d'emploi, il y en a qui mentionnaient environ un sur deux que la faible proposition d'emploi et aussi les salaires qui sont pas très bien payés, pratiquement à 50% aussi. Oui, exactement, c'est ça. On a parlé de ça, vraiment, c'est une grosse réalité. Je veux dire, beaucoup de personnes, quoique le salaire minimum a augmenté à 14$ depuis janvier, qui va encore augmenter à 15$ d'ici janvier prochain, quoique cette réalité, il faut quand même comprendre que de l'autre côté, nous avons les employeurs qui ne peuvent pas, selon leur budget, se permettre de payer certains salaires à ces chercheurs d'emploi. Donc, évidemment, ils sont obligés d'offrir soit leurs jobs au salaire minimum. Évidemment, ce n'est pas très intéressant pour certains chercheurs d'emploi, surtout s'ils se mettent à retrouver la même chose un peu partout. Des fois, on n'a pas, sans forcément porter un jugement, mais des fois, il y a une grosse différence entre des gros employeurs et effectivement des petits employeurs. Donc, comme je dis, il y a certains employeurs qui ne peuvent juste pas se permettre de payer un certain montant à ces chercheurs d'emploi. Ouais, les petites PME, c'est pas comme Bombardier, exactement. Si on dit. Exactement, des entreprises familiales ou toutes ces entreprises-là, effectivement, qui ne peuvent pas se permettre cela. Donc, ça veut dire, des fois, ils vont engager justement des personnes dans la famille pour leur donner de l'excellence du travail, mais sans forcément les payer et tout ce qui va avec. Donc, comparé à une personne qui cherche un emploi, qui aimerait travailler dans X ou Y entreprise, mais s'ils ont d'autres personnes à engager, évidemment, ils ne peuvent pas autant se permettre de vous payer ce salaire ou ils ne peuvent pas vous engager, tout simplement. Rick, on peut vous retrouver aux 2 rue Pointe à Penetanguishene, aussi au 549-5227 ou 5227 et aussi sur la clé. Exactement. Donc, nous sommes faciles à rejoindre. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous. Nous sommes là pour servir la communauté. Rick Mialou, je te souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci, Jiffy.